Le 21 février 1990, j'envoie un telex câble au QGDEA. Sujet : le plan formé par Moran pour m'assassiner. Entre août 1989 et le 6 mars 1990, le colonel Moran avait mis en route un plan pour m'assassiner au Salvador et accuser les guérilleros de mon meurtre. Le 6 mars 1990, je suis allé à Houston pour y déposer une cassette audio à propos de mon assassinat. Obtenu sous couverture. Marc Moursa, de la DEA Houston, DEA File M390-0053, avait un informateur proche du lieutenant-colonel Moran. Le 24 février 1990, j'ai fait retourner ma famille aux États-Unis parce que la DEA ne prenait aucune mesure dans cette affaire. Le 15 mars 1990, alors qu'elle avait connaissance de ce projet d'assassinat depuis déjà 6 mois, la DEA m'a transféré à San Diego, en Californie, pour 6 mois. Le 5 avril 1990, une perquisition illégale de ma résidence au Guatemala a été menée par les agents DEA Tuffy Von Brinson et Larry Holyfield, avec Marco Gonzalez des Affaires étrangères du Guatemala. Pas de mandat. Le QGDEA a admis qu'il s'agissait d'une perquisition illégale, demandée par Tony Recevuto, enquêteur spécial du Bureau de la responsabilité professionnelle de la DEA. OPR File PRTG 90-0068. Le 16 septembre 1991, on m'a envoyé par fax un questionnaire au sujet de cette perquisition illégale, voire 6 juin. Le 11 avril 1990, agissant sous couverture, la femme de Carlos Cabeza m'a vendu à San Francisco 5 kilos de cocaïne. DEA numéro R3-91-0036. Milagro Rodriguez. Le 16 avril 1990, j'ai rencontré Carlos Cabezas au bureau de la DEA à San Francisco. Il m'a dit que Zavala et lui étaient tous deux des informateurs du FBI à San Francisco au moment où sa femme m'avait livré la cocaïne. Alvaro Carbajal avait fourni les 5 kilos de drogue. Il existe une cassette audio obtenue sous couverture qui en fait la preuve. Monsieur Cabezas m'a donné la carte de visite de son personnage de couverture. Carlos A. Cabezas, vendeur associé de la California Company, 3519 Mission Street, San Francisco, California, 94-110, immobilier et investissement. Le 10 mai 1990, Tony Recevuto, l'enquêteur spécial du Bureau de la responsabilité professionnelle de la DEA, est retourné au Guatemala et a demandé à l'ambassadeur des États-Unis de bien vouloir accorder au lieutenant-colonel Hugo Moran Carranza un visa pour les États-Unis, pour qu'il puisse aller témoigner à Miami dans l'affaire BCCI. L'ambassadeur ne comprenait pas que qui que ce soit puisse faire la requête d'un visa américain pour un individu ayant planifié l'assassinat d'un agent américain. Le 27 mai 1990, on m'a donné l'ordre de retourner au Guatemala pour préparer le déménagement de ma résidence. La menace qui pesait sur moi était alors encore sérieuse. Le 1er juin 1990, j'ai quitté le Guatemala pour la dernière fois. Le 5 juin, un autre Américain était assassiné par des militaires guatémaltèques. Devant la commission Kerry, Alan Fierce, chef du groupement Amérique centrale de la CIA, a reconnu dans son témoignage « En matière de trafic de drogue par les forces de la résistance, il ne s'agit pas de quelques personnes impliquées. Il s'agit de beaucoup de gens. » La DEA a longtemps prétendu que mes rapports étaient sans fondement, mais s'est contredite plus tard. David Westrate, l'administrateur assistant de la DEA, a dit à propos de la guerre au Nicaragua « Il est vrai que des personnes des deux côtés de l'équation trafiquaient de la drogue, et certains à un niveau assez important. » Lawrence Victor Harrison, un spécialiste en électronique né aux États-Unis, qui avait travaillé au Mexique et s'était impliqué avec les plus gros chefs du cartel mexicain, témoigna lors d'une série de débriefings du 20 au 26 septembre 1989 et d'un débriefing postérieur, le 13 février 1990, conduit par des agents de la DEA à Los Angeles. Il affirma avoir été présent à la rencontre de deux des partenaires de Mata Ballesteros et Rafael Caro Quintero avec les pilotes américains basés à l'aérodrome d'Ilopango, Salvador, qui fournissaient des armes aux Contras. Le but de la rencontre, conclure des arrangements en matière de trafic de drogue. Plusieurs jours auparavant, le 9 février 1990, Harrison avait dit aux agents DEA qui l'interrogeaient que les Contras nicaraguayens allaient s'entraîner à Veracruz dans un ranch appartenant à Rafael Caro Quintero. C'est dans le ranch de Quintero à Guadalajara que l'agent de la DEA Kiki Camarena et son pilote ont été interrogés, torturés et enterrés vivants. Le 23 janvier 1991, lettre à M. William M. Baker, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI, de la part de Lawrence E. Walsh et Mike Foster, demandant à voir plusieurs dossiers FBI sur Walter L. Gresham, voir 6 juin. Le 30 janvier 1991, lettre à Ronald Caffrey, sous-directeur adjoint, Deputy Assistant Administrator des opérations de la DEA, de la part de Craig A. Gillen, avocat associé du Bureau juridique indépendant, demandant les rapports sur Walter L. Gresham, voir 6 juin. En 1991, on a ouvert à Washington, D.C., GFGD 91-91-39, un dossier général DEA sur Oliver North, important illégalement des armes aux Philippines en compagnie de trafiquants de drogue avérés. En 1991, avant mon départ de la DEA, j'ai rencontré l'agent FBI Mike Foster, enquêteur pour le compte du Bureau juridique et indépendant sur l'affaire Iran-Contras, et je lui ai donné des renseignements précis sur l'implication des Contras dans le trafic de drogue. En octobre 1994, le Washington Post rapporta que plusieurs anciens membres officiels du gouvernement, certains de la DEA, de la CIA, du Département d'État, des douanes américaines et de la Maison-Blanche, avaient affirmé que le lieutenant-colonel Oliver North ne les avait pas informés qu'il était au courant de la participation des Contras dans des trafics de drogue. En 1997, je me suis joint à Richard Horn, agent spécial de la DEA, dans ses poursuites judiciaires fédérales entamées contre la CIA. Ces poursuites visent la CIA et d'autres agences fédérales, accusées d'avoir espionné plusieurs agents et autres employés de la DEA ainsi que leurs familles. Affaire de la Cour du district de Columbia, Richard Horn contre Warren Christophe, action civile numéro 1, 96 CV 02120 HHG, le 30 janvier 1994. On m'a demandé plusieurs fois « Pourquoi faites-vous ça ?» Et ma réponse est que j'ai fait serment il y a longtemps maintenant de protéger la Constitution et les citoyens des États-Unis. En vérité, il m'en a beaucoup coûté pour que je devienne un être humain accompli. J'y ai perdu ma famille. En 1995, j'ai fait un pèlerinage jusqu'au mur du Vietnam. Et là, j'ai renoncé à ma médaille Bronze Star, en signe de protestation contre les atrocités commises par mon gouvernement en Amérique centrale. Je suis devenu aujourd'hui un vétéran d'une troisième guerre, peut-être la plus dangereuse. La guerre menée contre les criminels qui existent à l'intérieur même du gouvernement de mon pays. Il faut faire tomber les têtes de ceux qui sont responsables et qui travaillent encore aujourd'hui pour le gouvernement. Cela devrait être les premières cibles d'une véritable stratégie antidrogue. Si nous ne le faisons pas, il continuera d'exister des groupes entiers d'individus protégés de toute enquête qui manipulent les médias, les juges et des membres de notre propre Congrès. Des gens connus du gouvernement comme ceux qui sont au-dessus des lois.